Bonjour mes frères et sœurs, et nous allons commencer ce matin le chapitre 2. Et le chapitre 3, c'est l'ensemble des écrits aux sept églises. Sept lettres différentes, mais en même temps, tous à l'intérieur de la même grande lettre qu'est l'Apocalypse. Donc, il y a un livre, et à l'intérieur de ce livre-là, il y a sept petits passages qui s'adressent individuellement à chacune de ces églises-là. Le but, c'est d'emmener l'Église à réaliser dans quel état elle est. Et je crois que, en même temps, l'Église, c'est des individus à l'intérieur. Donc, chaque Église, chaque individu doit s'évaluer à partir de ce qu'on va étudier dans les sept jours qui vont venir, parce qu'on va voir une Église à fois. Peut-être une Église va représenter ton Église. Peut-être une Église va représenter toi dans ta vie. Peut-être tu vas te retrouver dans deux ou trois églises. Mais l'important, c'est de laisser l'Esprit de Dieu, laisser Dieu nous parler. Je crois que l'Église, c'est ces églises-là qui ont reçu leurs lettres, ils ont peut-être été bien surpris de ce que Jésus voyait dans leur cœur. Il n'est pas donné à l'homme de connaître son propre cœur. Il faut que Dieu nous le révèle. Je crois que Dieu va révéler aux sept églises leur état spirituel. Et ils doivent accepter et se repentir si c'est nécessaire. Ou ils doivent se laisser encourager par les vérités qu'il va leur donner. Commençons avec la première église, l'église d'Éphèse. Chapitre 2, verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, et je t'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. L'église d'Éphèse. Si vous voulez avoir un arrière-plan contextuel, vous pouvez aller dans les Actes des Apôtres et lire la période où est-ce que l'apôtre Paul va établir l'église d'Éphèse. Mais ici, il dit à l'église d'Éphèse, il se présente comme celui qui a les sept étoiles dans sa main droite, vous vous souvenez, et celui qui marche au milieu des sept chandeliers qui représentent les sept églises. Donc, il fait référence, je suis celui qui vous a parlé dans la vision hier, dans le chapitre 1. Ce n'est pas Jean qui s'adresse à vous, c'est moi. Celui qui a les sept étoiles dans sa main droite et celui qui marche au milieu des chandeliers. Ce n'est pas un homme qui s'adresse à vous, c'est moi, votre Dieu, votre Sauveur, votre Seigneur, votre Maître. C'est pour ça qu'il peut dire, le verset 2, « je connais, je sais ». Je connais et je sais. Oh, qu'il est bon de saisir et de comprendre que c'est une bénédiction que Dieu nous connaisse. parce qu'on ne se connaît pas. Nous avons été aveuglés tellement longtemps par le péché et par la mort spirituelle. On ne pouvait pas se connaître. Nul ne connaît le cœur de l'homme si ce n'est que Dieu seul. Personne! C'est Dieu qui nous révèle qui on est. Et ici, il va parler à l'Église parce que je ne crois pas que l'Église se rend compte de tout l'état dans lequel elle est rendue. Elle ne se rend pas compte, peut-être qu'elle est dans la perdition. Elle pense être vivante, mais elle est morte. Elle pense être correcte, mais elle n'est pas correcte. Donc, il dit, j'aimerais te dire, je connais tes œuvres, je sais que tes œuvres, je les connais, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu n'as pas supporté les méchants, que tu les as éprouvés, puis tu as découvert qu'ils étaient des menteurs. Pas des menteurs, c'est qu'ils ont menti à leurs femmes, qui ont menti à leurs enfants. C'est des menteurs face à la théologie, face à la vérité qui concerne Jésus, qui concerne Dieu, qui concerne l'avenir de l'Église. Le mot mensonge et menteur dans l'Apocalypse parle de fausses doctrines et ne parle pas de mensonges que j'ai fait avec le gouvernement. Quand il dit que tous les menteurs vont être dans les temps de feu, ce n'est pas tous les menteurs ici qui ont fait un petit mensonge à leur maman. Les menteurs, c'est ceux qui prêchent contre Christ, contre Dieu. Il dit, je te connais. Je connais que tu as débattu la doctrine toute ton existence, toute ta vie. Et tu as éprouvé ce qu'on t'enseignait avec ce qu'on t'avait dit par les apôtres. Et tu as gardé la vérité. Je sais, Dieu, verset 3, je sais que tu as persévéré, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es point lassé. Donc, jusqu'à aujourd'hui, quand Jésus lui parle, tu as pas lâché, tu as gardé la vérité. Mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Je ne sais pas ce que vous avez entendu jusqu'à date sur ce texte-là. Mais c'est que le texte ne dit pas « Tu m'aimes moins qu'au début. » Non, non, non. Il dit pas « J'aimerais que tu m'aimes comme au début. » Tu m'aimes pas autant qu'avant. Non, il dit « Tu m'as abandonné. » Si je dis que à ma femme que je vais l'abandonner, c'est pas que je suis pas en train de lui dire que je vais l'aimer moins qu'hier. Abandonner, là, le mot dans le grec, ça veut dire rejeter, quitter, répudier. C'est vraiment fort comme expression. Tu m'as abandonné, tu t'es éloigné de moi. Tu as toute la doctrine, tu as tout ton credo, tu as toute ta constitution, tout est beau et tu continues à persévérer, mais tu m'as abandonné. Tu m'as abandonné. C'est fort. Et tu ne peux pas abandonner Jésus et penser qu'on est correct. C'est pour ça qu'il dit au verset 5, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé. » T'es tombé. Repens-toi. Pratique tes premières œuvres. Donc, c'est tes premières œuvres, c'est pas... Continue à évangéliser, lis ta Bible, fais ta prière, puis donne aux pauvres, puis occupe-toi de ta femme et tes enfants. C'est pas ça qu'il parle. Les premières œuvres, c'est ce que tu croyais au début, ce que tu vivais au début, ce que tu as reçu au début, comment tu as reçu et cru et vécu la foi chrétienne. Tu es tombé. À un moment donné dans ton histoire, tu es tombé, tu m'as abandonné. La structure, l'Église, les vérités sont devenues plus importantes que moi. C'est pour ça qu'on va voir des églises qui ont des credos à lesquels on pourrait adhérer en tant que chrétien, mais que les églises sont complètement mortes. complètement morte. Il dit, si tu te repens pas de cela, je t'ôterai ton chandelier. Je vais l'enlever du cercle, ce chandelier-là. Tu ne fais plus partie des églises que je m'occupe. Tu ne fais plus partie de ceux que je prends soin. Tu ne fais plus partie de ceux que je vais reprendre et écrire et me révéler à. Je vais t'enlever ton chandelier. Il dit au verset 6, je sais que tu hais les Nicolaites. Moi aussi, je les hais. Sa doctrine est correcte à Éphèse. Mais tu as abandonné ton premier amour, ça veut dire que tu as abandonné Jésus. Tu as abandonné Jésus. Tu n'es plus en amour avec Jésus. T'es en amour avec une structure, avec une organisation, avec une église, avec des gens, mais t'es plus en amour avec Jésus. C'est pour ça que des fois tu vas entendre des gens dire, j'étais en amour avec le ministère plutôt qu'avec Jésus. On n'est plus intéressé à faire fonctionner une église, à faire grandir une église, à faire avancer des programmes. On est devenu un club social. Au lieu d'être des individus qui sont en relation avec Dieu. Mais il dit à celui qui entend les paroles que dit l'Esprit, au verset 7, à celui-là qui va vaincre, qui va se repentir et qui va vaincre les Nicolaïtes, qui va vaincre les menteurs, qui va éprouver les méchants et qui va garder son amour pour moi. Je vais donner de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc, à celui qui ne va pas vaincre, il ne donnera pas de l'arbre de vie dans le paradis de Dieu. C'est pour ça que je vous dis que abandonner son premier amour, c'est beaucoup plus fort que qu'un chrétien qui aime, pendant une période de sa vie, aime moins Jésus. Parce que les chrétiens vont tous vivre des hauts et des bas, ils vont tous passer par des périodes plus ou moins fortes. Mais est-ce que ça va leur enlever l'arbre de vie dans le paradis de Dieu? Est-ce qu'ils vont être privés de l'arbre de vie? Est-ce que mes difficultés, mes combats de vie chrétienne me font perdre l'arbre de vie? Jésus me prend puis me chasse, me sort du cercle des églises? Ben non, faut pas penser que j'ai été parfait. Ça, c'est clair pour garder que les églises dans le Nouveau Testament sont loin d'être parfaites. Mais Jésus les menace pas de leur enlever leur chandelier, puis il ne menace pas de dire, mais tu n'auras pas droit à l'arbre de vie dans le paradis de Dieu. Il les exhorte, il les instruit, il les encourage. Il les stimule. Mais ici, c'est une menace de mort, de jugement, de condamnation. Si tu ne te repens pas, je t'enlève ton chandelier et tu n'as pas le droit à l'arbre de vie. Mes frères, pour moi, ces gens-là ne seront pas sauvés. Non, non, ils ne seront pas sauvés. C'est pas qu'ils vont perdre une récompense, c'est qu'ils ne sont pas sauvés. Mais qu'on regarde un peu plus loin cet arbre de vie, vous allez voir que tous les croyants ont droit à l'arbre de vie. Tous les croyants ont droit à l'arbre de vie. Pas juste les super spirituels vont avoir droit à l'arbre de vie. Tous les croyants dans le paradis, qu'on va voir au chapitre 20, 21, dans ce coin-là, ont droit à l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Les autres, ils ne seront pas dans le paradis, puis ils n'ont pas droit à l'arbre de vie, puis ils vont être condamnés par Dieu. C'est important de bien comprendre cela. Bien comprendre cela. Je suis pas en amour avec un livre, mais avec la personne qui a écrit un livre. Je me souviens un jour, y a une personne, un homme qui a fait une profession de foi. Et elle a commencé à venir à l'église, a commencé à lire la Bible. Elle a commencé à démontrer certains fruits de la vie chrétienne. Mais quelques mois après, elle était persécutée dans sa famille. Et elle est venue me voir, cette personne-là. Elle m'a dit, François, je pense que je me suis trompé. Non, j'adhère pas à cela. Ça se peut pas. Ça se peut pas que ma religion soit s'est trompée autant. Ça se peut pas que ma religion, les gens soient condamnés. Donc, je vais retourner à ma foi que j'avais avant. Je me souviens que je lui avais dit, je suis content. Je suis content que Dieu t'ait montré que tu n'étais pas sauvé. Je suis content que Dieu a utilisé la persécution pour te montrer que tu ne l'étais pas. Et je vais montrer dans la parabole du semeur que il y en a qui reçoivent avec joie la parole de Dieu, mais les persécutions viennent et ils abandonnent. Ils ne sont pas sauvés. Et ici, les gens gardaient la doctrine, ils se battaient pour la doctrine, mais ils avaient abandonné Jésus. Je crois personnellement, quand je regarde autour de moi, je crains fort que des fois, certaines églises, c'est devenu un club social, plus qu'une relation avec Dieu. Je me souviens une fois, j'étais allé au Texas prendre un cours, et le dimanche matin, on cherchait une église pour aller à l'église, et j'avais vu une église, c'était marqué Baptiste, donc vu que j'étais Baptiste, j'étais allé à cette église-là, et j'ai été assisté. Et Jésus n'était plus là, dans cette église-là. J'espère que c'était pas comme ça tous les dimanches. Mais ce dimanche-là, en tout cas, je vous dis, Jésus n'était pas là. On n'a pas parlé de lui. On n'a pas, j'ai pas senti qu'il aimait quelqu'un, qu'il adorait quelqu'un. On parlait plutôt de quelque chose, de règles, de principes. On était plus pogné avec tu dois pas faire ça, puis tu dois faire ça, puis on doit aider les pauvres, puis on doit faire ci, puis on doit pas mentir, puis on doit pas tuer. Puis on était ancré sur la performance que sur quelqu'un. Sur quelqu'un. J'avais une sœur un jour qui m'avait dit ça. Ça m'a, sur le coup, ça m'avait frustré, mais avec le temps, j'ai bien vu qu'elle avait besoin, elle avait raison. Elle dit, François, quand tu enseignes, je ne vois pas Jésus. Montre-nous Jésus. Parce que c'est avec lui, n'est-ce pas, qu'on veut être en relation. C'est avec lui qu'on vit. C'est lui qui vit en nous. C'est lui qui est notre tête. Nous sommes en relation avec quelqu'un et non pas avec des commandements, non pas avec des principes seulement. Quand j'étais catholique, j'étais en relation avec les 10 commandements de Dieu, bien plus qu'avec Dieu. Ne touche pas, ne mange pas, ne va pas, ne regarde pas, ne fais pas ci, ne fais pas ça, habille-toi pas comme ci, habille-toi comme ça, fais pas ci, ne dis pas ça, parle pas comme ça. Et des fois, dans nos églises, ce que je trouve, c'est plus ça que Jésus lui-même. Notre Père du ciel, merci que tu nous aimes. Merci que tu as aimé assez l'église d'Éphèse pour lui dire, repens-toi, repens-toi, tu m'as abandonné. Repens-toi. Seigneur, s'il y a des gens qui écoutent cette vidéo, par ton Esprit Saint, donne-leur la grâce de se repentir. S'ils voient qu'ils sont rendus dans cet état-là, donne-leur la grâce à chacun de se repentir s'ils sont maintenant en relation avec une église plutôt qu'avec une personne. Et merci Seigneur de la promesse que tu nous fais, que tu vas nous donner de l'arbre de vie à ceux qui vont vaincre. Au nom de Jésus.